de l'histoire, Xavier Mauduit. À vous les studios. Une histoire de la radio, elle est là, elle nous accompagne au plus près de nos vies, dans le salon, pour une écoute attentive ou pour un accompagnement lointain. Elle est là quand nous sommes nus sous la douche ou dissimulés sous la couette. Elle est là dans la cuisine au moment d'éplucher les carottes, dans la voiture, bien sûr, et dans la rue, le poste collé contre l'oreille ou avec des écouteurs. Aujourd'hui, seuls ceux qui ont plus de 100 ans peuvent dire « je suis né avant la radio ». Mais personne ne peut dire que la radio n'a pas été un moment de la vie. Alors, à vous les studios, pour parler au creux de l'oreille. Thierry Lefèvre, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Quand nous parlons de la radio, nous évoquons évidemment des dates qui sont des repères. 1921 est un repère. Peut-on dire que c'est cette année-là que naît la radio ? Non. Voilà, c'est pour ça, c'est bien. Non, mais c'est ce que je voulais avec votre regard d'historien, enfin de spécialiste de la radio, de bien nuancer cette date. Voulez-vous que j'approfondisse un peu ? Approfondissez un tantinet. Mais pas trop. Non, pas du tout, puisqu'il y avait déjà des tentatives de radiodiffusion depuis les années 1910, retransmission en particulier au Metropolitan Opera avec Caruso. Voilà, avec des chercheurs d'ailleurs qui sont à l'initiative de ces émissions. Donc on a trace d'émissions ponctuelles, pas bien identifiées d'ailleurs, pendant toutes les années 10. Et puis finalement, à un moment donné, on décide de régulariser tout ça, de faire en sorte que les rendez-vous soient quotidiens. Et donc ça va être effectivement à la fin, à l'extrême fin de l'année 1920 en France, hein, puisque aux États-Unis ça avait commencé une année auparavant, que Tour Eiffel, donc la station de la Tour Eiffel, va commencer ses émissions. Oui, parce que il faut bien le dire, la radiodiffusion, c'est diffuser alors du son, de la musique, de la voix à distance. C'est un intérêt scientifique, militaire aussi dans les premiers temps. Oui, alors militaire, surtout pour ce qui était de la télégraphie sans fil, hein, le premier sigle TSF, c'est télégraphie sans fil, et il sera largement utilisé pendant la Première Guerre mondiale, hein, plus d'un million de messages qui transitent par l'émetteur de la Tour Eiffel, et progressivement, on s'aperçoit effectivement que l'on peut communiquer en téléphonie sans fil, donc c'était toujours le même cycle, les militaires s'en rendent compte, mais pas que les militaires, évidemment, des industriels en France et ailleurs qui vont se pencher sérieusement sur la question. Et après la Première Guerre mondiale, bien sûr, il y a d'autres objectifs pour cette radiodiffusion, pourquoi pas le divertissement, pourquoi pas l'actualité, mais justement, il faut là aussi faire preuve de nuance, Thierry Lefèvre, cela concerne très peu de personnes. Ah oui, au départ, il y a très très peu de personnes parce que la plupart construisent eux-mêmes leurs appareils de réception, hein, les fameux postes à galène. Bon, ça a vite évolué. Et l'industrie ne suit pas immédiatement. Il y a un retard de quelques mois avant la fabrication des postes récepteurs qui seront commercialisés dans des magasins. Et donc, ce sont des passionnés qui bidouillent eux-mêmes leurs appareils de réception, qui savent à la limite comment faire un émetteur, ce qui est plus le cas parmi nos auditeurs, j'imagine, de nos jours. Voilà, c'est relativement peu de gens, mais ces gens vont commencer à s'agréger dans en particulier des radioclubs, des clubs spécialisés sur ces questions-là, et ce sont eux qui vont vraiment impulser les débuts, en tout cas en France, de la radiodiffusion. Oui, je comprends bien quand on est un amateur et qu'on bidouille soi-même alors son appareil pour recevoir le son ou alors son appareil pour l'envoyer quelque part. Nous sommes dans une démarche très particulière, mais dès lors que cela est fait pour un public, ça y est, la radio apparaît. Il y a cette idée essentielle qui est l'auditorat qui va l'écouter. Voilà, qui va l'écouter et qu'est-ce qu'ils ont besoin d'écouter. Hein, au tout début, les émissions sont très courtes, sont régulières mais très courtes, une heure maximum par jour, et on essaye de mettre le manuel du parfait auditeur, c'est-à-dire quelques informations déjà à cette époque qui sont lues par des speakers, le bulletin météo, un peu de musique, des déclamations de poèmes. Anna de Noailles a été photographiée et c'est une image devenue symbolique, etc. Donc on mélange l'information, la culture et quelque part déjà le divertissement, même si ce divertissement est plutôt haut de gamme. Anna de Noailles, c'est pas le café-concert encore. Il faudra attendre plutôt les années 30 pour voir un glissement avec Radio Cité et Radio 37 en particulier. Le 26 novembre 1921, bah, il est là, le public. Il y a une émission de radio entre Saint-Assise, c'est près de Melun, et l'hôtel Lutetia de Paris, reconstitution. Messieurs, la fée électricité est une personne éthérée qui ne saurait, malgré son désir, lever son verre à votre santé. Pour s'en excuser, elle vous ménage une surprise. De son dernier palais, le grand centre de télégraphie sans fil de Saint-Assise, des ondes vont s'envoler jusqu'à vous. Et ces ondes, en votre honneur, en l'honneur de la science électrique française et de son illustre fondateur, vont vibrer toutes modulées d'harmonie. Cette musique, messieurs, sera la voix de votre amie la fée. Une voix qui vous dit à tous, merci. Messieurs, je passe donc la parole à la fée électricité. La fée électricité, quand nous évoquons le cinéma, les frères Lumière avaient une ambition technique, bien sûr, voire scientifique, l'utilisation du cinéma pour la science. Quelle est l'ambition de ceux qui s'adonnent à la radio, Thierry Lefebvre? Au début, je pense que c'est essentiellement scientifique. Hein. C'est une énorme découverte hein, dont on mesure encore l'importance. Et c'est vraiment l'aspect scientifique amélioré. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, le mot est employé dans l'extrait que vous venez de diffuser, c'est que ce qui est compliqué avec la radio, c'est d'envoyer l'onde porteuse. Donc il faut des puissances absolument considérables qui ne vont pas cesser de croître au fur et à mesure des décennies. Et puis il faut moduler cette onde porteuse pour transmettre le signal sonore, que ce soit la parole ou la musique. Et ça c'est pas fait immédiatement, c'est-à-dire que le son était pas aussi bon que ce qu'on vient d'entendre. Il y avait beaucoup de crachotements, de parasites, etc., etc. Donc ça va être une lutte au corps à corps, en quelque sorte, pour améliorer, pour arriver à la perfection de ce que nous entendons quand nous écoutons le cours de l'histoire. Voilà, la perfection radiophonique est grâce justement à Radio France, entre autres. Thierry Lefebvre, vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Paris, et justement, parmi tous vos ouvrages, on semble qu'il y a une vraie réflexion autour des radios libres, hein, les radios locales, histoire, territoire et réseau que vous venez de publier avec Sébastien Poulain. Mais justement, dans ces années 1920, quand se met en place la radio, comment s'organise cette radio aujourd'hui? J'évoquais Radio France, nous connaissons la structure de cette radio, sous tutelle du ministère de la Culture, etc. Comment c'était en 1920? L'anarchie? L'anarchie, c'est peut-être excessif, mais effectivement, c'était comme après une nuit, après la pluie, les champignons surgissent un petit peu partout. Il y avait deux types de champignons, des champignons publics et des champignons privés. Mais le terme privé est pas aussi connoté que ce qu'on entend de nos jours. C'est-à-dire des initiatives de personnes privées, et souvent justement de ces fameux radioclubs dont j'ai parlé. Ça fonctionne essentiellement avec, certes, du personnel technique fixe, mais des bénévoles à l'époque. Hein. C'est eux qui vont faire fonctionner les émissions. Donc vous allez avoir, pendant les années 20, un système extrêmement complexe, je ne vais pas détailler, qui fait que les radios publiques, donc ça va être Tour Eiffel, évidemment, mais ça va être ensuite les radios PTT, hein, liées au ministère des postes télécommunications et télégraphes, qui vont être le côté public. Et de l'autre côté, vous allez avoir des radios qui vont surgir à Agen, à Mont-de-Marsan, à Toulouse, etc., dont beaucoup survivront jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et les deux fonctionne un peu avec le même désir, hein, c'est-à-dire de faire entendre du son, voilà. Mais il va y avoir un partage bientôt sur la question en particulier de la publicité. La publicité restera sur les ondes privées, sera leur moyen de faire fonctionner leur radio, et également sur l'extension du public, et donc avec un côté divertissement plus prononcé. Mais ça va être surtout dans les années 30 qu'on va voir ce phénomène. C'est important ce que vous venez de dire, parce que dès qu'il est question de l'histoire de la radio, nous pensons à la Tour Eiffel, nous pensons à Paris. Non, l'histoire de la radio est une histoire partout en France. Alors, pas partout en France. Ah, il y a des zones blanches. Oui, plutôt dans le Nord d'ailleurs, mais probablement à cause de la puissance de l'émetteur de la Tour Eiffel. C'est plutôt dans le Sud, Bordeaux, en dessous de Lyon, je dirais, que se naissent la plupart des radios. Des radios privées, de celles qu'on appellera radios privées. Et c'est lié à des contextes régionaux, je dirais pas locaux, mais régionaux, particuliers. Par exemple, à Béziers, ce sont les spécialistes du vin qui sont derrière ça et qui financent en partie l'activité de la station. Donc vous voyez des intérêts multiples, des gens qui se passionnent pour le nouveau média, mais en tout cas la nouvelle technique, et puis des gens qui sentent des opportunités de faire passer un certain nombre de discours, voire des publicités. Oui, parce que la question est que mettre dans cette radio maintenant que l'appareil est là, souvenir de pionnier. Nous avons eu la radiophonie journalistique et le premier journal parlé qui fut installé à la Tour Eiffel. En quelle année ? En 1923, sous la direction de Maurice Privat. Il avait réuni autour de lui une équipe de journalistes qui s'élançaient pour la première fois dans cette voie à laquelle ils ne connaissaient rien. Donc cette radiophonie journalistique, ce premier journal parlé, fut installé à la Tour Eiffel Pilier Nord, et je me rappelle, tu te rappelles, Paul Castan, tu te rappelles, toi, Georges Géville, quand nous nous acheminions, par les soirs d'hiver et uniquement mus par la foi, par une sorte d'idéal, par une croyance effrénée dans ce mystère nouveau. C'était le temps des postes à galène, où les auditeurs penchés sur leur petit instrument écoutait avec émotion le sapeur de la météo qui annonçait le temps du lendemain. Eh bien, nous nous acheminions comme des spectres à travers le champ de Mars, balayés de pluie ou de neige l'hiver, pour aller faire notre petit compliment aux premières foules d'auditeurs. Est-ce que tu te souviens de ça, mon vieux ? Ah, bah oui, on se souvient, souvenir de pionnier de la radio. C'est en 1948 que s'exprimait Georges Delamarre, donc pionnier de la radio, poète, historien aussi. Il y a une émotion à Thierry Lefebvre quand on entend ces archives, parce que nous sentons que c'est une aventure, la radio. Ah, bah tout à fait, ce sont des pionniers. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas installé ce qui est devenu la norme, que ce soit sur les radios publiques ou les radios privées de nos jours, un ton, des grilles de programme, etc. On commence à mettre une émission. Et puis après l'émission et avant l'émission, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait mettre de plus, et ça se construit comme ça, comme un puzzle. Et effectivement, le radio-journal de France, qui sera surtout bien en place à la fin des années 20, est un moment très, très important. D'ailleurs, ça intéressera un personnage qu'on retrouvera en 1934, Stavisky, hein, puisque il essaiera de mettre son pied dedans. Oui, parce que il y a une conscience qui apparaît très vite du pouvoir de ce média. Oui. Il est difficile à manier. C'est vrai que tout le monde ne dispose pas d'un appareil pour recevoir ces sons. C'est très complexe. Et pourtant, il y a déjà l'idée que c'est là qu'il va se passer quelque chose. Comment se construit peu à peu la radio? Comment se diffuse-t-elle? Ne serait-ce que par l'industrie, l'idée qu'il faut fabriquer des postes à coût réduit pour que tout le monde en ait. Voilà. Oui, alors, au début, comme je vous ai dit, c'était plutôt les postes à galène. Donc, n'importe qui pouvait le construire. À l'époque, hein, évidemment, il y avait des modes d'emploi, il y avait des publications pour ça. Ça passionnait, évidemment, tout ce qui était vulgarisation scientifique. Et progressivement, on va voir arriver les lampes électroniques, des grosses lampes comme ça, dans des gros appareils qui vont être beaucoup plus complexes déjà pour se les procurer, et donc les industriels vont commencer à construire des radios. On peut citer la première radio privée, privée, hein, je mets ça entre guillemets, qui s'appelle Radiola, et qui commence ses émissions en novembre 1922, et qui va donner naissance à une gamme de récepteurs qu'on appellera effectivement les récepteurs Radiola, et qui sera une marque qui continuera pendant pas mal de temps. Donc l'industrie va profiter évidemment de cette nouvelle opportunité pour construire des appareils de plus en plus nombreux, et certains d'ailleurs, comme Lucien Lévy, seront des industriels et vont créer une radio pour mettre en valeur justement ces avec des programmes, ces appareils, et ça sera Radio LL. Lucien Lévy. Voilà, tout simplement, autant donner ses initiales à une radio, et dès qu'il est question d'industrie, d'économie, très vite apparaît la publicité. Réclame. La femme n'est plus une esclave dont il faut plaindre le sort, car elle emploie la poudre à laver Catox, qui lave toute seule et fait le linge blanc. Elle emploie la poudre à laver Catox, qui n'use pas, n'abîme pas, ne fatigue pas, c'est épatant. Qui n'use pas, ne fatigue pas, c'est épatant. France Culture. Seules les pilules pink fournissent à votre sang l'oxygène dont il a un si grand besoin. Vous serez tout ragaillardi quand ce flot d'oxygène, véritable porteur de vie, coulera dans vos veines. Pilule pink, toute pharmacie 12 francs. Le cours de l'histoire. C'était un bateau de pêche qui voguait par tous les temps. Le capitaine bougonne, mais il est très bon enfant. Le vin qu'il donne à ses hommes, il y a de la quintonine dedans. Le vin qu'il donne à ses hommes, il y a de la quintonine dedans. Il y a de la quintonine dedans. Xavier Mauduit. La quintonine, le fortifiant qui fortifie. Voilà, ça c'est du slogan. Non mais il y a un charme magnifique et suranné de ces publicités radiophoniques. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, Céline Lauriou, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous réalisez une thèse sur les micros de l'histoire, c'est le titre. Les émissions d'histoire diffusées à la radio française 1945-2014 sous la direction de... Myriam Tsikounas. Que nous saluons. Et justement, dans cette réflexion sur... que mettre à la radio, il y a cette idée de savoir. Le savoir, à partir de quel moment voit-on apparaître des programmes qui diffusent du savoir à la radio ? C'est assez tôt que ça arrive. Dès l'entre-deux-guerres, en fait, on a des programmes de causerie ou de cours qui sont radiodiffusés. Plutôt sur les radios publiques que privées d'ailleurs, mais ça existe aussi sur les radios privées. Et donc, ces cours, ces causeries abordent des thématiques très variées. On peut avoir des causeries agricoles, des causeries médicales, des causeries littéraires, cinématographiques. Donc, tous les sujets possibles et imaginables sont abordés par la radio. On trouve même dans les programmes de la fin des années 20 des cours de photographie. Je suis curieuse de savoir à quoi pouvait ressembler un cours de photographie radiophonique. Donc on a cette volonté d'apporter des savoirs, d'apporter des connaissances aux auditeurs de cette radio qui est en train de se développer. C'est ce que nous saisissons en vous écoutant sur ces premiers temps de la radio des années 1920-1930, c'est que tout est à inventer. Céline Lauriou, effectivement, du savoir, pourquoi pas, mais en fait, c'est un tâtonnement gigantesque. Tout est possible, en fait. Tout est à imaginer. Aujourd'hui, nous sommes formatés, nous savons à quoi ressemble un programme de radio. Quand on se plonge dans les archives, justement, il y a plein de formes possibles. Le temps n'est pas le même qu'aujourd'hui. Une émission peut durer très longtemps ou être très courte. Oui, alors si on remonte aux premières traces d'émissions d'histoire qui ont pu être diffusées à la radio, on est dans les années 1928 et la première tentative, c'est des émissions de théâtre radiophonique. On cherche à rejouer, à reconstituer les grands épisodes de la Révolution française notamment. C'est une troupe qui est une troupe de comédiens qui est dirigée par Georges Collin sur Radio Paris et pendant plusieurs mois, voilà, ils vont jouer la prise de la Bastille, l'assassinat de Marat, le procès de Louis XVI. Et cette émission, cette série d'émissions, plutôt a un très grand succès. Tout de suite, on a une espèce d'enthousiasme. On estime qu'il n'y a pas de moyen plus vivant pour apprendre l'histoire que ces pièces de théâtre radiophonique. Donc ça, c'est une première forme plutôt divertissante de mise en scène de l'histoire. Mais on a aussi donc ce format plus didactique du cours ou de la causerie qui s'applique aux émissions cherchant à transmettre des savoirs dans ces années 20-30. Oui, parce que c'est ça, la radio aussi. C'est une ambition. Une ambition, alors, effectivement, qu'il faut resituer dans un contexte. Thierry Lefebvre, les gens de ces années 1920-1930 disposent d'énormément de sources d'informations, mais pas autant que nous, parce qu'avec Internet, avec la télévision, nous disposons de beaucoup de choses. C'est vrai que la radio est d'un seul coup une nouveauté sidérante pour accéder, entre autres, à du savoir. Ah oui, tout à fait. Ça permet de réunir des publics qu'on ne pouvait pas réunir dans une simple salle, hein, donc ce sont des milliers d'auditeurs potentiels, avec effectivement, comme l'a dit Céline, l'importance de la conférence, hein, et ce sont pas des émissions comme celles que nous faisons actuellement avec une partie de ping-pong en quelque sorte entre nous. L'orateur est souvent seul face au micro, il est présenté évidemment, et il va tenir un propos pas trop long, hein, on est déjà dans l'esprit du web, pas trop long, pas en tout cas dans un premier temps, et on essaye de faire passer évidemment des connaissances. Mais c'est valable ça aussi bien pour le public, où on retrouve cette trace, que pour le privé. On a des cours, par exemple, pour en revenir aux radios du midi viticole, bah, des cours sur comment tenir les vignes, comment lutter contre mildiou, comment avoir une ferme ou des choses comme ça, sur ces postes à caractère privé. J'insiste d'ailleurs pour saluer même tous ces passionnés de radio, alors ceux du passé, mais ceux d'aujourd'hui encore, qui font de la radio, faire de la radio, diffuser des sons, diffuser des idées, diffuser du savoir. Mais Thierry Lefebvre, il faut rappeler aussi les conditions d'écoute. C'est très important pour saisir combien ces conférences pouvaient avoir une certaine importance. La radio s'écoute de manière presque statique. Ah oui, bien sûr, les autoradios n'ont pas été inventées, il faudra attendre plutôt les années 50-60 pour les voir émerger. Et donc effectivement, il faut imaginer ces appareils dont j'ai parlé tout à l'heure, de gros appareils à lampes qui sont magnifiques et qui trônent dans les salons et qui sont un investissement non négligeable. Finalement, il n'y en a pas tant que ça, enfin... Tout est relatif. À la fin des années 30, on doit être à 5-6 millions d'appareils, peut-être plus parce que certains ne sont pas déclarés. Ces appareils, ben on les regarde, hein. Il y a des systèmes qui permettent de les rétroéclairer, etc. C'est très beau en soi. La famille peut se réunir autour de sujets justement qui sont consensuels dans la famille, justement les questions d'éducation en particulier, se réunit tout autour. Et donc, à partir d'un nombre relativement réduit, même si ça se chiffre dans les années 30 à quelques millions, il y a beaucoup plus d'auditeurs. Et c'est donc un média de masse qui est bien supérieur à la presse, hein, qui tirait au maximum à 1 million d'exemplaires pour un journal donné en 14. Donc c'est c'est un changement de paradigme, comme diraient mes collègues. Est-ce qu'il y a une vocation pédagogique au sens scolaire? Est-ce qu'il y a une vocation, non pas de remplacer l'école, mais de compléter l'école? Alors, il y a ça, mais à côté de la radiodiffusion telle qu'elle va se mettre en place, il y a ce qu'on va appeler la radio scolaire. La radio scolaire, c'est une idée qui naît dans différents lieux, que ce soit au protectorat du Maroc ou ailleurs, et qui va donner naissance de manière officielle en 37 à ce qu'on va appeler la radio scolaire. La radio scolaire, c'est une structure dans lesquels les gens travaillent, en particulier les enseignants, pour donner des cours radio diffusés, mais c'est une structure qui ne dispose pas de son émetteur et qui donc va s'appuyer pour se développer sur les émetteurs existants, en particulier celui de Tour Eiffel et celui de Radio Paris au tout début. Et ensuite, on retrouvera cette radio scolaire pratiquement jusqu'en 81. Après, ça va commencer à se diluer. Et on la retrouve en particulier sur France Culture, puisque France Culture n'émettait pas 24 heures sur 24. Et donc, il y avait des coupures, hein, l'après-midi dans la matinée. Donc, ces petits créneaux vont être utilisés par des productions qui viennent de l'extérieur, en quelque sorte, du ministère de l'enseignement, je ne sais pas comment on l'appelait précisément à cette époque, et qui vont être retransmis sur les ondes de France Culture et de France Inter également en modulation d'amplitude, non, en modulation de fréquence. Alors il y a cette question aussi de modulation d'amplitude et de modulation de fréquence qui est fondamentale, mais on y reviendra peut-être. Mais c'est vrai que sur cette histoire de la radio, nous saisissons combien l'objet est complexe. Et justement, Céline Loriou, vous avez travaillé sur ces émissions d'histoire radiodiffusée, mais c'est complexe parce qu'il n'y a plein de radios. Alors, il y a les radios que nous connaissons bien, qui font aujourd'hui Radio France, pour le dire simplement, mais cela peut prendre plein de formes. C'est difficile d'ailleurs même de retrouver des archives. Oui, pour faire des recherches sur les programmes de radio, on commence à avoir des archives en nombre à partir de l'après-guerre, après 1944-45, à un moment où au sein de la radiodiffusion d'État, on cherche à conserver une partie des programmes qui sont diffusés, pas tous. Généralement, on privilégie plutôt les programmes qu'on va pouvoir rediffuser, les programmes qui ont un caractère d'œuvre radiophonique aussi. Tout ce qui est jeux, émissions légères, on ne cherche pas immédiatement à les conserver. Donc, oui, c'est très difficile de faire l'histoire des programmes de radio avant cette période-là. Si on souhaite le faire, on est obligé de se reporter sur des archives écrites, sur les listes de programmes qui sont annoncés dans la presse, mais on doit se passer du matériau sonore. Et le matériau sonore est magique. Je vous propose justement un voyage dans ces émissions d'histoire à la radio. Dans notre demi-heure, la vie intellectuelle. Activité des académies et des sociétés savantes par M. Robert Lolland. Avec le proton, le neutron, le positon, l'électron, nous avons fait connaissance. André Castelot présente La Tribune de l'Histoire, une émission d'Alain Decaux. Pour commencer ce lundi de l'histoire, je voudrais m'entretenir avec René Raymond sur son livre « Vivre notre histoire » qui vient de paraître aux éditions du Centurion. Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Georges Vigarello, bonjour. Bonjour. Bonjour et puis bienvenue à cette première de 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, 451, Attila. Bien, les enfants, reprenons notre leçon d'histoire. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Bonjour Alain Corbin. Bonjour. Bonjour Michel Perrault. 1, mi, sol, mi, ré, do, 3, 4, 1, mi, sol, mi, ré, do. La nouvelle fabrique de l'histoire. Racontez. S'il fallait tout raconter dans les bouquins d'histoire, on n'en finirait pas. Et c'est ça qui est magique, nous n'en finissons pas. C'était un voyage dans les archives, un bricolage magique et sonore réalisé par Milena Eli, qui réalise aussi l'émission Le Cours de l'Histoire sur France Culture avec aujourd'hui à la technique Félix Delacour. Ah, salutations à tous, Patrick Gélinet, Jean-Noël Jeannet, Jean Lebrun, Emmanuel Laurentin, Alain Decaux aussi, allons-y, saluons tout le monde. Céline Loriou, à quel moment les historiens, les historiennes prennent la parole à la radio? Vous nous avez dit que les premières émissions pouvaient être des reconstitutions, presque ce qu'on appelle aujourd'hui des dramatiques, des fictions. Mais l'historien, l'historienne? Alors la première trace sonore qu'on a de la présence d'historiens, plutôt des hommes universitaires à la radio, c'est à l'après-guerre, dans un format bien spécifique qui est celui de la causerie, justement. Donc la causerie, c'est un exposé de 10 minutes à peu près, dans lequel un historien ou en de rares occasions une historienne va parler d'un sujet spécifique. Donc ça peut être la bataille d'Hastings, ça peut être l'histoire de la civilisation chinoise, on a des sujets très variés. Et cet exposé, il est préparé à l'avance, avec un texte qui est écrit, repris, retravaillé par cet universitaire, qui est ensuite convié dans un studio de radio où il enregistre son texte. Et ce qui peut être un peu surprenant quand on écoute ces causeries des années donc 40-50, c'est d'entendre le ton de ces universitaires qui ont une parole très magistrale, très calquée en fait sur le modèle de la leçon universitaire. Dans certaines causeries, on les entend presque annoncer une problématique, voire un début de plan. Ils sont dans la logique de raccourcir leur cours d'une heure pour le faire tenir en 10 minutes de radio. Sauf que la radio, la communication radiophonique ne fonctionne pas exactement comme ça. Il faut s'adresser à un auditeur qui est invisible. Et c'est là, en fait, peut-être toute la difficulté de ces universitaires qui découvrent ce média, qui n'ont peut-être encore jamais utilisé de microphone, et qui doivent s'adapter à de nouvelles conditions d'expression. Ils sont habitués donc à parler dans leur amphithéâtre, à parler avec leurs collègues, et pas forcément à parler derrière un micro de radio en l'absence d'un public. Ça donne un aspect un peu surprenant quand on les entend prendre la parole, voilà, pour ces premières fois. C'est charmant, c'est désuet, puis il y a un effet de génération, parce que dans ces années 1940-1950, ce sont souvent de vieux professeurs qui arrivent, qui s'installent, donc qui viennent d'une formation, ils ont eu des cours de rhétorique, et ils ont cette autre formation, alors ils arrivent presque dans un autre monde, mais ils s'adaptent malgré tout, parce que on arrive à faire des tonnes et des tonnes d'émissions de ce type-là, ces causeries, l'heure de culture française, rencontrent un succès. Sinon, l'émission n'aurait pas duré aussi longtemps, n'existerait pas. Alors en fait, il y a un caractère très prestigieux de cette émission de l'heure de culture française. Ça répond à cette mission éducatrice que se donne la radio publique dans les années 40-50. Il s'agit d'élever le niveau culturel des auditeurs. Mais on observe, quand on consulte la presse de l'époque, des critiques. On reproche beaucoup à ces historiens de ne pas... à ces historiens ou à ces universitaires de manière générale, de ne pas savoir imager leurs causeries, de ne pas savoir les rendre vivantes. Donc c'est un peu ambivalent la réception de ces émissions. On sait que c'est quelque chose de prestigieux, parce qu'après tout, ce sont des professeurs qui sont en poste à la Sorbonne, au Collège de France, qui sont accessibles aux auditeurs à leur domicile, ils n'ont pas besoin de se déplacer pour les écouter. Mais en même temps, on est conscient que... qu'il manque un peu de radiogénie, on va dire. C'est le terme qui est employé à l'époque. D'autant plus que l'histoire de la radio fait qu'il y a un foisonnement de possibles avec de nouvelles radios. Allô, Méni ? Allô ? Oui. Bonjour madame. Bonjour Méni. Alors. Bonjour madame. Bonjour docteur. Oui. Alors allons-y, on vous écoute. Oui, alors voilà, j'aurais aimé savoir ce que veut dire faire de la psychothérapie. Faire de la psychothérapie ? Oui. Pourquoi est-ce que vous nous demandez ça ? Ben, parce que c'est un docteur qui le conseille à mon mari. À votre mari ? Oui. Et pourquoi ? Ben, parce qu'il n'a pas d'appétit sexuel. Vous n'avez pas la moindre idée de la façon dont ça a commencé ? Ça fait à peu près, quoi, ça fait 18 ans qu'on est mariés. Oui. Pendant 15 ans, ça a été un accord parfait. Pendant 3-4 ans. Pendant 3-4 ans seulement ? Ah oui. Vous vous êtes épanoui sexuellement très vite, dès le début de votre mariage ? Ah oui, tout de suite. La nuit de noces ? Ah oui. J'ai une très grande richesse de ce côté-là. Oui, oui. Quand ça se passe bien, j'ai deux gros orgasmes à la fin, quoi. C'est formidable. Mais vous n'avez plus de rapport sexuel du tout avec votre mari ? Si, deux fois par semaine. Deux fois par semaine ? Oui, mais pour me faire plaisir, alors ça dure quoi, 10 minutes, un quart d'heure, quoi. Eh, c'est pas si mal, madame. Vous aimeriez, vous, que ce soit tous les jours ou plus ? Oh, moi, tous les jours, ça me gênerait pas, même deux fois. Même deux fois, voilà. Écoutez, hein, tant qu'à faire. Allô, Méni, c'est sur RTL, au début des années 1970, grosse libido. Hein. Thierry Lefebvre, effectivement, dans ce monde de la radio, il y a l'heure de culture française, bien sûr, et puis il y a plein d'autres émissions. Allô, Méni en est un exemple. RTL, Europe 1. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde de la radio évolue énormément avec ces nouvelles radios. Quelles sont-elles ? Alors, ce sont des radios qu'on dit périphériques, tout simplement parce que l'émetteur est situé en dehors du territoire français. Pour une raison très simple, c'est que en 44 et surtout 45, on instaure de manière costaud, le monopole de la radiodiffusion qu'on avait fantasmé dans les années 20 et années 30. Et donc, les seuls autorisés à émettre sur le territoire français, avec donc des émetteurs, des pylônes sur le territoire, ce sont les radios les radios publiques, qui ont des noms d'ailleurs qui changent régulièrement, donc on va pas s'appesantir. Et à côté de ça, il y a effectivement les radios périphériques. Alors, il y en avait qui existaient auparavant, comme en particulier Radio Luxembourg, qui deviendra ultérieurement Radio RTL et qui va se spécialiser sur les auditeurs français. Il y avait également Radio Monte Carlo, qui avait été pensée pendant la Seconde Guerre mondiale, qui, elle, va plutôt envoyer ses ondes dans le sud de la France. Et puis, il y aura effectivement en 55 Europe numéro 1, c'est comme ça qu'on l'appelait au départ, qui va s'installer dans la Sarre occupée et qui, elle, va révolutionner un petit peu le ton de la radio. Et donc, toutes ces radios, elles font de la publicité. Alors que toutes les radios publiques ne peuvent pas en faire du fait de l'instauration du monopole. Donc, il y a une divergence, on va dire, entre les deux types de radios. L'une qui reste sérieuse, même si elle évolue, parce que son auditoire a tendance à s'amincir au fur et à mesure de l'apparition donc des périphériques, donc les radios privées qui, elles, essayent d'attirer le plus large public pour valoriser cette publicité qui, soit dit en passant, avait été vraiment inaugurée en 35, donc avant la Seconde Guerre mondiale, par Marcel Bechstein, Bechstein Blanchet, et donc le groupe Publicis, hein, qui était à l'origine de Radio Cité, et Radio Luxembourg va reprendre en fait les grandes idées de Radio Cité. Luxembourg, Monte Carlo, la Sarre. Mais alors justement, qu'en est-il de ces radios locales? Elles sont autorisées? Ah non, pas du tout. C'est très vilain. Hein. C'est pas bien du tout, puisque en pratique, il y a ce monopole. Donc il faut être autorisé par l'État pour émettre. Donc en pratique, non, c'est interdit. Ça n'est jamais accordé de toute façon. Et donc il va y avoir effectivement, à partir des années 70 et surtout de 77. Un mouvement qu'on peut qualifier de démocratique, même si on peut y mettre quelques nuances, qui fait que des jeunes gens, on va dire trentaine, entre la vingtaine et la trentaine, vont décider d'émettre envers et contre tous, en testant l'État et en voyant comment il réagit. Il va réagir, mais pas d'une manière sanglante, heureusement. Il va réagir en mettant en place des dispositifs comme le brouillage, qui était un dispositif militaire qui fait qu'on n'entend plus ce qui se dit, les saisies de matériel et des inculpations. Il y en aura un certain nombre pendant toute cette période avant 81. Oui, avant 81, parce que évidemment, en 81, il se passe quelque chose dans ce monde de la radio. Quelle est votre définition à vous d'une radio libre? Qu'est-ce qu'une radio libre? Alors, une radio libre, qu'on appelle associative à but non lucratif, c'est une radio qui est organisée autour de la loi 1901, une association. Elle est à but non lucratif. Et surtout, elle est locale, c'est-à-dire que la puissance de l'émetteur, par exemple, est limitée et elle ne concerne qu'une petite ville, par exemple, une grande ville, parfois une région assez faible, assez petite. Mais en général, donc, ces trois critères sont fondamentaux pour nous. C'est Jean Ducarroir qui s'exprimait en 1981, au mois de juin, c'est important de le préciser, lors des assises des radios libres. Qui est Jean Ducarroir? Ah, Jean Ducarroir est un personnage auquel j'ai consacré une tentative de biographie qui a eu une courte vie entre 1950 et 2003 et qui a été un des pionniers avec Antoine Lefébure de ces radios libres. Antoine Lefébure, c'était le personnage raisonnable qui avait créé Radio Verte et qui avait bien compris que la publicité serait indispensable à un moment donné pour faire fonctionner ces radios. Et Jean Ducarroir, qui venait de l'extrême gauche, de lutte ouvrière pour être plus précis, était pour des radios associatives ne dépendant pas du capital et en particulier de la publicité et si possible intégrées dans une sorte de service public, ce qui va être la première idée défendue par les socialistes sous le gouvernement Mauroy en 81, c'est-à-dire idéalement n'avoir que des radios associatives pas trop puissante, c'est exactement ce que vient de dire Ducarroix, et qui ne soit absolument pas dépendante de la publicité, donc qui soit financée grâce à des moyens qui se mettront en œuvre à partir de 82, ce qu'on appelle le fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui fonctionne toujours. Donc c'est un personnage très important qui malheureusement n'a pas pu raconter ses aventures, car décédé trop tôt, victime de l'amiante. En 2003, L'aventurier des radios libres, Jean Ducarroix, 1950-2003, c'est votre ouvrage Thierry Lefebvre. Avec cette histoire de la radio que l'on pourrait détailler en tous sens, tant elle est passionnante. Et justement, cette histoire de la radio est aussi une histoire de la voix transmise. Céline Loriot, il y a une histoire de la voix, et je pense que tous les auditeurs, les auditrices s'en souviennent du temps où l'on pouvait se balader comme ça sur le poste de radio, sur les ondes. Nous savions si nous étions sur France Culture, France Inter, RTL ou Europe 1. La voix a une histoire, et la voix des historiens, des historiennes à la radio a une histoire. Quelle posture prennent-elles? Alors, comme je le disais, on a au départ des historiens qui sont presque dans la chair de leur amphithéâtre et qui professent un cours. Et puis, petit à petit, quand on les invite dans des émissions plus conversationnelles, plus dialoguées, ils ont une manière de parler qui devient plus spontanée. Ils s'autorisent à faire quelques bafouillages, quelques hésitations, comme là maintenant on s'autorise à le faire. Et petit à petit, la présence de ces voix historiennes est de plus en plus régulière. On a des émissions d'abord hebdomadaires, aujourd'hui des émissions quotidiennes qui font venir ces historiens dans les studios. Et quand on écoute 70 ans d'émissions d'histoire à la radio, on entend que ces historiens ne parlent plus de la même manière entre les années 40 et aujourd'hui. Les premiers roulaient encore les airs, hein, ça leur arrivait. Aujourd'hui, ça doit être quelque chose de très rare. Donc on peut suivre cette évolution des manières de parler, tout en restant assez vigilant à chaque fois. Ne pas se prendre au piège de nos propres perceptions subjectives, parce que bien sûr, quand on entend une émission des années 40, aujourd'hui en 2021, déjà on ne l'écoute pas dans les mêmes conditions qu'à l'époque. On va peut-être les écouter avec un casque aujourd'hui, alors qu'autrefois on l'écoutait avec le bruit de la cuisine, du salon, des enfants. Donc ça c'est un premier facteur. Et puis surtout, nos perceptions du son changent, de ce qui est une voix agréable, de ce qui est une manière de parler agréable. Ce sont des choses qui évoluent avec le temps. Donc il faut essayer d'être conscient de ça d'une part, et puis essayer de retrouver dans des archives écrites, dans la presse de l'époque, pour comprendre comment étaient perçues ces voix à l'époque. Est-ce que tel homme politique qui tenait un discours parlait bien? Est-ce qu'on considérait comme étant quelqu'un qui parle bien ou pas? Oui, l'histoire des perceptions est extrêmement complexe, mais elle est passionnante, hein, savoir comment est reçue une voix, un discours. Dans votre travail, Céline Loriot, vous avez évidemment écouté beaucoup, beaucoup d'archives. Vous avez senti quel type d'évolution, je pense notamment en rapport au rythme, au temps, c'est-à-dire dans une société qui est de plus en plus abreuvée d'images notamment, ou alors par le cinéma, par des formes de narration diverses. Est-ce que vous trouvez un écho dans les émissions d'histoire à la radio, une volonté de jouer sur un rythme? Alors ce sont des émissions qui aujourd'hui intègrent des productions médiatiques extérieures. On va chercher à ponctuer les émissions d'histoire, d'extraits de films, d'extraits d'émissions de télévision. Et on a des émissions qui sont de plus en plus peut-être formatées sur des rythmes spécifiques, émissions d'une demi-heure, émissions d'une heure, alors que dans les années 60, on avait des expériences. Je pense à une émission notamment qui s'appelait L'analyse spectrale de l'Occident. C'est génial. Qui était une tentative de faire 10 heures d'émissions d'affilée pour faire un programme radiophonique complet qui visait à retracer l'histoire de l'humanité des origines jusqu'à nos jours. Et donc l'idée, c'était de proposer un peu de causerie, un peu d'entretien avec des universitaires, des concerts, des dramatiques. Et donc, c'était l'idée de proposer aux auditeurs un divertissement éducatif complet qui occuperait tout le samedi après-midi. Une vraie histoire, alors, du quotidien, on peut le dire, la radio, une histoire sociale, une histoire de proximité. Thierry Lefebvre, vous avez travaillé sur ces radios libres, sur ces radios locales, sur la radio en général. Il y a quelque chose de terrible avec la radio, c'est cette proximité, parce que c'est au creux de l'oreille, c'est partout, tout le temps désormais, avec le transistor qui permet de se déplacer, d'écouter la radio n'importe où. C'est ça aussi que l'on ressent, notamment pour ces radios locales, qui sont très importantes. Oui, effectivement, c'est la possibilité de rapprocher les individus. On parlait d'ailleurs à une certaine époque de radio de proximité, ce qui valait bien dire ce que ça voulait dire. Ce qui est, alors, puisque vous abordez la question des radios locales, ce sont en particulier des radios associatives qui sont nées effectivement du tournant de 1981, qui sont entre autres financés par ce que j'ai signifié tout à l'heure à propos de Jean Ducarrois, et qui permettent à des voix extrêmement différentes justement de celles plus classiques, par exemple de France Culture. Il y a un type de voix France Culture, il y a également un aspect technique qu'il ne faut pas négliger. La voix sort grâce à des micros, grâce à une table de mixage, etc., avec des systèmes divers qui la filtrent d'une manière ou d'une autre et qui donnent une tonalité très spécifique qui fait qu'on reconnaît RTL de France Culture, sans problème. Mais c'est la même chose pour les radios locales qui disposent de moins de moyens et où la voix a un côté plus frustre, je dirais, quelque chose qui n'est pas forcément travaillé, où la spontanéité retentit dans toute sa splendeur avec parfois des infâmes bafouillements et des pataquès pas possibles au niveau des émissions. Et souvent, la volonté de tous ces animateurs, qui sont pour la quasi-totalité des bénévoles, de faire passer de la culture au sens très large du terme. Ça peut être des émissions d'histoire. Quand moi-même, j'ai fait un peu de radio sur ces radios locales dans les années 80, eh bien, j'avais des passionnés qui venaient raconter l'Invincible Armada ou d'autres histoires. Et je trouvais ça absolument passionnant de voir ces personnages s'exprimer enfin grâce à la radio. La radio, c'est une passion. Je vous remercie, Thierry Lefebvre, de terminer en citant cet aspect technique. Et remercions encore les équipes de Radio France. C'est absolument sensationnel ce qui est fait de nous permettre de parler. Nous avons commencé cette émission en évoquant la naissance de la radio en 1921, ce programme qui était fait par des passionnés de technique, bien souvent. Et aujourd'hui, sans eux, nous ne serions pas grand-chose. Thierry Lefebvre, je rappelle, les radios locales, histoire, territoire et réseau, écrit avec Sébastien Poulain, et l'aventurier des radios libres, Jean Ducarroir. Et Céline Loriou, merci beaucoup aussi à vous. Ah, les micros de l'histoire. Finissez bien votre thèse. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Faut-il accueillir les migrants ? Comme je le répète souvent dans mes chroniques, mon but n'est pas de répondre aux questions qui s'imposent dans le débat public, mais plutôt de les éclairer historiquement pour montrer quels en sont les enjeux. Je ne vous dirai donc pas s'il faut ou s'il ne faut pas accueillir les migrants, même si, en tant que citoyen, j'ai bien sûr un avis sur le sujet. En partant du constat qu'il ne se passe guère de semaine sans que le thème des migrants soit placé au centre de notre actualité, je commencerai par rappeler qu'il ne s'agit pas d'un problème nouveau. On peut même affirmer qu'il est aussi vieux que l'humanité, car toutes les sociétés ont été traversées par un clivage fondamental entre les établis et les outsiders, les inclus et les exclus. Ce qui a changé au cours du temps, c'est la façon de désigner les uns et les autres et de régler leurs relations. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter à la fin du XIXe siècle. Grâce aux mesures prises par les fondateurs de la Troisième République, les classes populaires ont été intégrées au sein de l'État national. À partir de ce moment-là, les polémiques concernant l'accueil des migrants se sont focalisées sur deux dimensions de l'identité des personnes, leur identité de citoyen et leur identité d'être humain. Ceux qui ne veulent pas accueillir les migrants étrangers justifient leur point de vue en affirmant, pour reprendre une formule célèbre, que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Pendant longtemps, même si l'argument a un peu perdu de sa force aujourd'hui, le raisonnement était le suivant. En tant que citoyens, nous devons verser notre sang pour la patrie. En retour, nous avons donc le droit d'exiger que les représentants de la nation nous protègent contre la menace étrangère. À l'inverse, ceux qui militent pour l'accueil des migrants s'appuient sur les drames humains que vivent les personnes qui meurent à nos portes parce que nous refusons de les accueillir. Ils tentent de faire vibrer ce qui reste d'humanité en nous en affirmant que respecter le principe d'hospitalité n'est pas contradictoire avec les intérêts des citoyens, même si cela exige un petit effort de générosité. En 1932, dans son livre « Sur les deux sources de la morale et de la religion », le philosophe Henri Bergson avait déjà analysé ces points de vue antagonistes en posant la distinction entre la morale close et la morale ouverte. L'humanité, dit-il, est une société ouverte qui nous intime des devoirs envers tous les hommes, alors que la nation vise la cohésion sociale devant un ennemi. Cette tension entre la nation et l'humanité n'a cessé de s'aggraver au cours des dernières décennies, car nous sommes pris dans une contradiction croissante entre des sphères d'activité qui sont mondialisées, comme l'économie, la culture, le sport, et une sphère d'activité qui reste toujours étroitement nationale, c'est la politique. La compétition pour l'accès au pouvoir d'État oblige tous ceux qui y participent à privilégier le « nous » français, étant donné que leur sort dépend du vote des citoyens français. Voilà pourquoi ceux qui plaident pour le respect des droits humains ont toujours eu beaucoup de mal à défendre leur morale ouverte face à ceux qui parlent au nom de la morale fermée qu'impose la nation. Merci Gérard Noiriel. Le pourquoi du comment, Gérard Noiriel qui a participé à une radio pirate. Une histoire à raconter un jour. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupointe, Tosiane Judas, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach et Sophie-Catherine Gallet. Cette émission est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.